Unité 3. 2. Stéphanie, tu as vu ces photos ? Montre un peu. C'est qui, elle ? C'est Nathalie, le jour de son mariage. Ah, et là, c'est qui ? C'est le mari de Françoise ? Oui, enfin, son ex, parce que c'est fini entre Julien et Françoise. Ah, et cette dame à côté de ton grand-père, c'est ta grand-mère ? Non, malheureusement, ma grand-mère n'est pas sur la photo. Elle est décédée. Ah, je suis désolée. Et dis donc, il est beau ce garçon. Il est marié ? Marié ? Non, Bruno n'est pas marié. Ah, et il a une petite copine ? Non, je ne crois pas. Enfin, pas encore. Ah.